بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فتنة عرفناها وعرفها من عايشها وكل من تبصر فيها ورآها فتنة واضحة. فالله يبصر أهل الحق بها، وأما بالنسبة لهؤلاء فأمرهم واضح. الدعوة السلفية تقدم لكم. ما على الدعوة بأس أبدا، ما على الدعوة بأس منهم، هو حزب هزيل، يترأسه من ترأسه، حزب مخضوح، حزب قد عرفه رجال ونساء أهل السنة، فالذي يترأسه أو يؤسسه ترأس الباطل وأراد يؤسس الباطل وأضر بنفسه قبل غيره. تساقط وتناحر التعينين في أهل السنة بدماج وشيخها وثبات العلامة الحجوري وإخوانه الشيخ الفاضل أبي حاتم يوسف الجزائري حفظه الله تعالى. L'écroulement et les disputes et divergences des diffamateurs des gens de la Sunna de Majd et de leur cheikh ainsi que la fermeté de l'Allama al-Hajuri et de ses frères. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Muhtani qui حفظه الله تعالى. Et que maintenant il va démontrer que ces gens-là se retournent les uns contre les autres. D'accord. Après qu'ils étaient soi-disant en apparence, Tarsaboum Jabia, Kolobum Chatta, t'as vu qu'ils étaient unis. Mais maintenant, tu vois que leurs cœurs sont divisés, qu'ils mangent les uns les autres, se reprochent des choses. Et que la Hadanis, ce qu'on disait sur lui, ils ont eux-mêmes le confirment aujourd'hui. Que tu vois que nous, ce qu'on disait sur eux, la Hadanis et Assad le confirment sur eux. Deuxième partie. In alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بحمد الله ما زلنا في قراءة هذه الملزمة التي كتبها شيخنا الفاضل أبو حاتم يوسف الجزائري حفظه الله تعالى بعنوان تساقط وتناحر التاعنين في أهل السنة بدماج وشيخها. وقد مر بنا في الدرس الأول مقدمة ذكرنا فيها ما يتعلق ب أو حقيقة هذه الفتنة. On avait déjà parlé de la réalité de cette fitna, de l'alliance qu'il y a eu entre ces gens qui à la base étaient des gens divisés. Et qu'aujourd'hui, la réalité apparaît sous son vrai jour et cette division ressurgit et refait surface. On les voit parler les uns sur les autres, après qu'ils étaient alliés en un même but qui était celui de s'en prendre à la da'wa mubaraka de Dammaj. Naam. Sous couvert de fitna d'Abdurrahman al-Adani. Sous couvert de la fitna d'Abdurrahman al-Adani. On a vu qu'en fait ces gens-là sont divisés en deux groupes qui sont les Assad de Libana, qui sont ceux qui sont appelés les Mashiach du Yémen. Et ceux de la Wasiyah, c'est-à-dire le testament de Shamoukbil. Et l'autre côté, ceux qui s'affilient au ulama du Mamlaka, aux savants de Saoudiya, comme Ubayd al-Jabiri, comme Al-Matali Rabi, et tous ceux qui sont derrière les promoteurs de cette fitna, comme Hani Bouraïk ou Arafat al-Barmaki, et autres que cela. Maintenant, c'est la guerre interne entre ces deux parties. Et nous avons dit que depuis le début, bilhamdillah, les gens de Dammaj ont bien bayé de la chose et leur position n'a pas changé et resté ferme. Naam. Fal'en, fima sayati biiznillah, sayafkuru mayun taqad wa suqut ba'd ashab adil fitna. Taïb, wahidan ba'd wahid. Là, il va citer certains parmi les partisans de cette fitna. Qu'est-ce qui leur est arrivé comme fâcheuse conséquence après s'être opposé à la vérité? Naam. Fayabda bihamdillah musta'inan bih awalan bi suqut Abdurrahman al-Adani ras fitnat al-ta'inina fi al-sunnati bidammaj wa shaykhih. Donc en premier lieu, la chute d'Abdurrahman al-Adani qui est la tête apparente de cette fitna parmi ceux qui diffament les gens de la Sunna et de Majj. Taqal Abdurrahman al-Adani wa al-Madfou itara'ous al-Hizbi al-Jadida wa itharat al-Fitna al-Arida على هذا الحديث بدمج وشيخها فنصحه شيخنا العلامة يحيى الحجوري فأبى مع دفع شلة الفتنة له إلا الاستمرار في تهذيب طلاب وتخبيبهم على الشيخ يحيى فاضطر شيخنا إلى إبعاده عن المركز فأثر العدني بدفع شلة الفتنة له فتنة أكبر منها بالتحريش بين الشيخ يحيى وكثير من الدعاة في المملكة وخاصة الجابري عبيد والمدخلي ربيع الأمر الذي جعلهم يتكلمون في الشيخ يحيى ويقوم قائمتهم بغير حق وكل دي عبد الرحمن هداه الله العدني كي لو responsable du مركز de Fouyouche qui est عدن qui a été mis en avant au devant de la scène comme on dit afin de faire une fitna au sein du centre de Dar al-Hadith de Dammaj. Cette fitna a déjà été expliquée dans différents fascicules et alhamdoulillah est détaillée pour ceux qui veulent y revenir. Et le but n'est pas de rester la fitna telle qu'elle s'est passée, mais de dire qu'à la base, Abdurrahman, c'est quoi son origine dans l'affaire? Qu'il était au centre de Demej, qu'il a fait la division entre le Toulab, et qu'il a soulevé le Toulab contre Cheikh Yahya. D'accord? Et qu'il était conseillé, qu'il a continué. Ce qui a contraint notre Cheikh à le renvoyer du centre pour les troubles qui lui semaient. Et à savoir qu'il était conseillé et que Cheikh a pas sauté sur lui. Donc après sa sortie, après qu'il était renvoyé de Demej, il a provoqué une fitna encore plus grande en semant la discorde entre les machaires et les prédicateurs dans le Yémen et l'extérieur du Yémen. A savoir qu'Abdurrahman n'était qu'une marionnette poussée par un groupuscule derrière lui, qui sont, comme nous l'avons cité, Hanibli Bureik et Arafat Barmaki et d'autres comme Mohamed Gharib, qui eux-mêmes reviennent à ce qu'ils appellent les Kibar, qui sont Obayed Jabiri et Dr Rabir Amatrali. Donc de là, cette fitna est arrivée à ce qu'elle arrivait aujourd'hui, à ce jour, comme vous le savez. D'accord, les paroles qui ont eu, les mises en garde qui ont eu lieu, et ce genre de choses. Tout a commencé comme ça. وقال ولكن سل عن ما يظهر الله حقيقته وأن السنة بدمج كان ولا حق في بيان فتنته فها هو ذا الجابري عبيد يتعن فيه الآن ويحذر منه ويرد بذلك على نفسه ولا عيره ممن اجتمعوا ولا معالة أهل السنة بدار الحديث بدماج وشيخها والحرب عليهم من أجل العدني. Donc il dit, et comme cela est vite apparu, la réalité est vite repris le dessus, démontrant que les gens de la Sunna à Dammaj étaient bien sur la vérité lorsqu'ils ont critiqué l'Adani. D'accord? Car maintenant, l'un de ses plus grands, on va dire, gourous, le terme gourou, c'est le secte, Oumel Djabeli, qui est rentré dans cette fitna, comment? Pour le défendre. Et aujourd'hui, Oumel, qu'est-ce qu'il fait? Il parle sur lui, comme cela va venir. Il se met à mettre en garde contre lui. Donc cela est considéré comme étant, comme si Robert se fêtait lui-même. Même que ce qui est aujourd'hui, avant il niait, aujourd'hui il le reconnaît. Il le reconnaît. Et autre que lui, également parmi tous ceux qui se sont réunis pour faire preuve d'animosité envers le centre de Hadith de Demej, pour défendre Al-Adani, qu'aujourd'hui parle sur lui. Naam. Fayaqoul. ويظهر الجابري وشيرة الفتنة عرفة برمكي وعلي الحذيفي وهني بن بريك وغيرهم بتعنيهم وبتحذيرهم الآن من عبد الرحمن العدني صدق الشيخنا الشيخ يحيى وطلابه وإخوانه ونصحهم ببيان فتنة العدني ونتكالبهم على أهل سنة بدماج إنما كان دفاعه التعصب والتحزب للعدني واجهة الفتنة il a nail maribihim min isqat da'wat ad-dal hadith bidammaj. Donc il dit maintenant que Jabiri et leur groupuscule qui sont Arafat et Ali al-Hudayfi et Hani ibn Burayk et autres qu'eux font apparaître leur diffamation apparente sur Al-Adani car ils le faisaient déjà avant. Dans le Mursal al-Bayyin, des témoignages sont venus pour démontrer clairement que ces gens-là déjà parlaient sur Al-Adani à l'époque. C'est un petit pour eux, d'accord? Mais il fut leur fer de lance, comme on dit, pour pouvoir attaquer leur ennemi. Donc là, cela apparaît clairement au grand jour. D'accord ? Et cela démontre la véracité de Cheikh Yahya et de ses toulèbes et de tous ceux qui ont conseillé cette fitna, qui étaient clairement sur le haq depuis le début. Et que cette révolte qui a eu lieu en ses débuts, d'accord, n'était basée que sur quoi ? Le ta'assoub et le ta'hazzoub. Pour qui ? Pour Abd al-Rahman. Et comme nous l'avions dit, à partir de l'exemple, que la Hizbiya, comme un ami l'avait dit, c'est comme un bâton, une glace. Tu la suces, après tu jettes le bâton. Et bien là, l'Adani le jette. On finit avec lui, donc on le jette. Du moins, il ne veut pas suivre les ordres et continuer, alors on le jette. Ava. Donc après, Robin fait interroger la sortie audio dans lequel il parle clairement, justement, de Mohamed el-Imam, d'accord, et de l'Adani. Les deux. Dans lequel il dit بناء على ما تحصل لدي من استقراء محمد الإمام وإصراره على الوثيقة ومن الأدلة عليه ما خطب خطبة العيد فإنه صرح بأنه لا سبيل لأحد عليه وكذلك لما رجع وزار بعض المشايخ أما أنا فقد حرمت داري عليه هو ومن على شاكلته وهذا معروف قال إنه لم يزر إنه لم يأتي إلى الحج وأما قضيتي فأنا سبل لأحد علي أقول للمقيمين في مركز معبر فروا إلى حيث تأمنون وقد ثبت لدي أن محمد الإمام هذا جمع المقاتلين في جبهة كتاف وبلغهم بأن الحوثي أو الحوثي طلبوا تسليمهم فهو صدق في هذا وهو كذوب لكني كذلك أوصي من لم يطلبهم الحوثيون أن يهربوا لأن الرجل لا يصلح للدعوة فمن هذه حاله لا يوجد منه خير للدعوة ثانيا بالنسبة للأخ عبد الرحمن بن عمر مرعي لا يصلح للدعوة أنا أقل ما أقول أقل ما يقال فيه إنه مغفل بناء على كلمات سمعتها منه ومن تلكم الكلمات قوله في الوثيقة الفاجرة الكافرة الظالمة التي وقعها محمد بن عبد الله الريمي ثم المعبري الملقب بالإمام قال في تلك الوثيقة يعني عبد الرحمن قال فيها باطل أقول قائل هذه المقولة كما أسلفت أقل ما يقال فيه إنه مغفل والمغفل لا يصلح للدعوة ولا يصلح للتدريس أبدا خير له أن يصلي مع المسلمين يحضر الجمعة مع الجماعة مع المسلمين أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري في بعد مغرب بعد العشاء الأربعاء الثاني عشر من محرم عام 36 و400 dans lequel il dit dans le sens que me basant sur ce sur quoi perdure on va dire Mohamed el-Imam dans cette wasiqa, la feuille et que cette route bonne qu'il a faite dans laquelle il prouve bien bihamdillahi rabbil alamin ana wa inna amri la yazal fi yadi bihamdillah falaysa li ahadin alayya sabil illa bilhaq. كلنا عبيد لله لسنا عبيدا لأحد. Que ce qu'il fait, il le fait de lui-même. Dans, il a fait le khutbah à l'Eid, dedans, il dit bien qu'il affirme ce qu'il a écrit dans cette wasiqa, il le confirme bien. Il dit ce que j'ai fait, je l'ai fait de moi-même. Il l'a fait entre mes mains. Il l'a bien dit, clairement. D'accord ? Donc il dit, c'est pour cela que lorsqu'il est venu me visiter, c'est-à-dire, Obey ne dit pas lorsque l'imam et les autres prêcheurs sont venus le visiter en Saoudia, il les a refusés. Comme il dit, haram tu dari alayhi. J'ai rendu ma maison haram sur lui. Elle lui est interdite. Et tous ceux qui sont, c'est-à-dire, il parle des autres machères, là. D'accord ? Donc là, Obey dit bien que, à partir de là, il lui a interdit de venir, il lui a interdit la visite. Il a refusé de le recevoir. Et il continue en disant, il conseille que tous ceux qui sont au centre de Marbar, il leur dit, sauvez-vous. D'accord ? Vers là où seront en sécurité. Sauvez-vous, il leur dit carrément. Ne restez pas avec Mohamed l'imam. Et ensuite, il dit quoi ? Qu'il est venu une information, et ça toujours par qui ? Par ses sbires, qui sont comme Arafat et Boulay, tous ces gens-là. Donc là, Obey, il dit quoi ? Il a dit vrai, sans d'accord, ou wakadoub. Il a dit vrai, alors c'est un grand menteur. Cette parole, qu'est-ce qu'il a dit ? Sans d'accord, ou wakadoub. Man qala hada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Hurayra. Dans le hadith, lorsque le shaitan venait à la parole d'un homme pauvre pour prendre les dates le soir. Parce qu'il a pris quoi ? Pour qu'il le relâche, il lui a pris qu'il reste à l'état coursier avant de dormir, comme ça le shaitan ne pourra pas le nuire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ? Sans d'accord, ou wakadoub. Il t'a dit la vérité, là c'est un grand menteur. Attention, comme on dit souvent, ce hadith n'est pas une preuve qu'on peut prendre le ilm de shaitan. Abu Hurayra a pris le ilm de qui ? Ah, il a dit prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas de shaitan. D'accord ? Sinon, il n'aurait pas cru, il n'aurait pas accepté. Et celui qui lui a affirmé l'information, c'est qui ? C'est le prophète. Donc on ne dit pas, ouais, shaitan, on prend la sens de lui. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens disent, et elle n'est pas vraie. Naam. Donc là, il dit, conseille à ceux qui sont donc à Marba, les étudiants, qui se sauvent de là-bas. D'accord ? Et qui dit que cet homme-là ne convient pas faire da'wah. Et également, des gens comme lui, dans sa situation, on n'espère pas de bien d'eux dans la da'wah. Il n'y a rien à espérer d'eux comme bien dans la da'wah. Ça, c'est le sens après sortir de ses paroles. Ensuite, il continue en parlant de qui, là, après ? Il dit, et deuxièmement, en ce qui concerne le frère, là, c'est plus cher. Là, c'est le frère. Vous voyez ? Abdelrahman, et de Omar Manri, il dit, il ne convient pas faire da'wah, cet homme-là. Cet homme-là ne convient pas faire da'wah. Et au minimum qu'on pourrait dire pour lui, c'est qu'il est un mourafel. Un mourafel, c'est une personne qui est inattentive, discrète, qui ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Toujours embêté, qui part. Ah, ouais. Il dit ça parce qu'il a entendu une parole de lui par rapport à la parole de l'imam dans le wasiqa, qui dit que c'est une wasiqa fajira, zalima et kafira, sur laquelle a signé Mohamed l'imam. Il voit que l'Adani, qu'est-ce qu'il a dit de cette parole-là, de cette wasiqa ? Il l'a dit, « Fiha batil ». Juste, cette parole, cette wasiqa, contient du faux. C'est tout. Ouais. L'Adani s'est contenté de dire cette parole-là, que cette wasiqa contient du faux. C'est tout. Sans aller plus loin. Donc, en fait, ça ne lui a pas plu. Qu'est-ce qu'il dit ? Que celui qui dit une telle parole, du moins qui se contente de dire une telle parole, « Fiha batil », au minimum, c'est un mourafel. Au minimum, c'est un mourafel. C'est une personne qui n'est pas attentive. Allez. Donc il dit, il ne mérite pas d'enseigner, ni de tenir une da'wa. Abadan. Allez, il dit bien abadan. Au minimum, qu'il se contente de faire salat avec muslimine et c'est tout. Et rentre chez lui. Voilà maintenant, Al-Adani, après avoir été parmi... Hein, comme il disait dans le Rod sur la Jamia Islamia, quand Shaykh a conseillé attention à ces gens-là, il dit quoi ? Haoula ibn Khawasi. Ces gens-là sont parmi mes amis privés, mes amis proches. Regarde aujourd'hui qu'est-ce qu'il dit sur lui. Ça m'a rafale. Il ne convient pas à faire da'wah, juste à faire salat avec Moussemin, c'est tout. Et après, il rentre chez lui. Regarde un petit peu le changement. Naam. Et min la chale Adjiba, il donne. أضيفها إلى هذا ما قاله أخوه عبد الله صوفي عبد الله كما سوف يتعرفون في المختصر البيان كما قاله كما قاله يجب أن يكون هناك فتنة سوف يحدث بعد أن يبدأ تفاوض بين المشايخ في اليمن وهي السعودية إذا كان هذا يحدث فهو مع من؟ السعودية عبد الله منعي de Hadramaut, de Shi'a, disait ça. Donc maintenant, on dit quoi? T'es avec qui maintenant? Avec ton frère? Ou avec le Kibar? Avec qui tu es maintenant? Avant, t'avais dit quoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient tous être ensemble, en fait. Et le but, quand ils disaient Machir et Yémen, ils pensaient que quoi, en fait, que les Machir du Yémen allaient être avec Shariahia. Ils s'imaginaient cela. Et les autres avec les ceux de Saoudia. Malheureusement, eh ben, ça s'est pas passé comme prévu. Donc maintenant, t'es avec qui? Est-ce que t'es avec ton frère et les Machir du Yémen? Ou t'es avec Ubaid, hein, et Dr. Matrali et les autres? Avec qui tu es maintenant? Avec qui tu es maintenant? Adao. Ensuite, il dit Soukoud Hani bin Buraik, wa Ali Huzayfi, wa Arafat al-Barbaki, wa Nahwihim, min ru'us al-Mu'ajjaja, al-Mu'ajjaja al-Fitnat al-Adani, wa al-Dafi'ina bihi al-Ithara al-Fitna ala al-Sunnati bid-Dammaj, wa Sheikhiha al-Nasih al-Amin. Donc maintenant, il parle de quoi? La chute de qui? De Hani bin Buraik, et de Ali al-Huzayfi, et de Arafat et les autres. Tous ceux qui ont allumé cette fitna par en dessous. D'accord? Qui ont allumé cette fitna par en dessous. Donc il dit quoi? وقد كان أهل السنة بدمج وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى بينوا ما عليه هؤلاء المفتونون من التحريش بين أهل العلم وسعيهم وتشتيت الدعوة في دعوة أهل السنة باليمن. Donc il dit que les gens de Damaj avaient déjà démontré à ces gens-là quelle était leur situation et ce qui se met comme discorde entre les gens de science et qui s'efforçaient à diviser la da'wah. Ça, même dans Moussa al-Bayyin, tu vas le trouver. On en parlait déjà. Donc, pour les gens qui étaient sur le haq, il n'y a rien de nouveau. وَأَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ فِتْنَةِ الْعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِي مِنَ التَّعِنِينَ فِي الْوَصَابِ وَالْإِمَامِ وَالْبُلَعِي وَأَهِلِهِمْ وَمِمَا كَانِ يَكُولْ طَيِّبْ. Et que même avant la fitna, ces gens-là déjà diffamé, al-Wasabi parlait sur lui, et l'imam, al-Bulai et les autres. Il parlait déjà sur eux, avant la fitna. Il disait, et parmi les choses que Ibn Buraik disait, الشيخ هكذا يقول ذا هؤلاء كذبا يريدون ان نتنازع انا وانت وهم يجلسون على الكرسي في ديون بارون سي جون لا سون دي مونتور يبغوا كون سو ديسبوت توي اي موا ها هو كيلو سونسي سور لا شيز تدير ميم notre cheikh il tentait de lui monter la tête contre le machir du Yémen et cela ce témoignage j'ai apporté dans quoi en montrant ça le Bayen en page 114 de la version arabe l'original en arabe. Après, il dit également, parmi leurs discours qu'ils ont fait, ce qu'ont témoigné Abu Hammam ou Abu Abdullah al-Baydaniyeh, et des gens qui sont connus pour être des gens qui s'assoient chez un rabbi, ils ont témoigné qu'ils ont vu Nibouraïk aller voir chez un rabbi en tentant de le prendre par les sentiments et en pleurant. Mais je ne sais pas si c'est des pleurs réels ou des pleurs de son parler, tu vois, pour dire en flamantant. Il disait quoi? Ultumhum yashir. Hey, ma chère Eliman, fa'innahum yantawuna ala manhaj. Donc il dit quoi? Gifle-les au cheikh, c'est-à-dire parle sur eux, répète-les. En visant qui? Les machins du Yémen. Et ces gens-là se replient sur un manhaj. Ils ont une voix à eux en fait, sur laquelle ils se replient et ils veulent passer la vérité. D'accord? Donc il dit parle sur eux, démontez dans le sens. Attendez, maintenant il a parlé quoi? Un petit peu de la réalité de Hani bin Buraik. Donc il dit. Il est connu que de lui, c'est une personne qui est qui collabore avec des hizbis et des jam'iyat hizbiyah. Maïs Bassalen, au mois de Ramadan en 1429, cela est rapporté dans mon Sahih al-Bayyin, que Mohamed Hashidi, qui est une des têtes de la fitna de Abul Hassan, a rencontré Hadi bin Buraik et Mohamed bin Ghalib. Ils se sont rencontrés ensemble. D'accord? À Al-Medina. Et que ce Mohamed al-Hashidi les a invités. D'accord? Il les a invités. Les autres machères du Yémen ont également évoqué cela. Car quand eux sont mis à parler sur le machère du Yémen, les machères du Yémen sont mis à quoi? À réfuter. Et on sait des faits, eux aussi. Donc parmi eux, parmi ces dossiers que eux ont balancé, ils ont amené les preuves que c'est vrai ce qu'ils disent. Ils disent quoi? Que Hani bin Buraik est apparu sur différentes photos dans lesquelles il récupérait, on va dire, des récompenses provenant de Jam'iyat Hizbiyah. des jamiyat qui ont été mis en garde, dont ont mis en garde certains savants, dont parmi eux, le Cheikh Mohamed Bezmoul. Tu vois, des choses connues par des savants, lui, il collaborait avec eux et participait à leur daourat, ce qu'on appelle les séminaires en France. Mais le mot séminaire, c'est pas un mot employé pour les daourats, parce que le séminaire, à la base, c'est un mot dans lequel on forme les moines. Un mot utilisé par les chrétiens auparavant dans lequel ils formaient leur forme de religion. D'accord ? Et aujourd'hui, malheureusement, tellement les jeunes veulent traduire mot à mot, toute chose, qu'ils prennent même des mots qui ne conviennent pas à l'islam. Et daoura, à la base, c'est plutôt un cycle. C'est une journée sur laquelle, ou un temps précis et court sur lequel se réunissent des gens, ou même un savant ou un daï, pour lequel ils donnent beaucoup de cours, beaucoup de rappels. D'accord ? Mais le mot séminaire à la base, quand tu regardes bien l'origine du mot, c'est un mot qui est bien, qui est employé par les gens du livre. Même les juifs, ils l'employaient. Umirna bi mukhalafatihim. Ils étaient ordonnés de quoi? De les s'opposer à eux, de ne pas suivre leur voie. Donc ce genre de mot, on dit daoura. Comme en arabe, daoura. On l'appelle daoura. Donc, il y avait une daoura qui a eu lieu en 1434, dans laquelle il a participé. D'accord? Et tu pourras avoir une vidéo en première page de cette jamaïa. Et également, ils annoncent quoi? Des muhadara pour qui? Pour Aïd al-Qarni, pour Salman al-Aouda, et la visite de Saad al-Bourek, et avant lui encore, Nasir al-Amr. Et tous ces gens-là sont tous des hizbis, maroufoun. Donc il a collaboré avec une jamaïa, participé avec elle dans une daoura. Et cette jamaïa elle-même, en première page de son site, mais annonce les conférences de ces gens-là. Et sur le fascicule, là, il a mis le lien. Pour qui veut vérifier l'information, là en bas, là, tu vois, là, il a mis le lien. Allez, il a mis le lien. Pour celui qui veut voir la preuve de cela, qui revient au fascicule en arabe, non, page 7. Donc après, il précise qu'il a encore apparu il y a 2 ans. D'accord ? Alors qu'il est mis en avant, présenté, pour une célébration dans laquelle des étudiants reçoivent une récompense. Il a été bien accueilli et il dit lui-même, Hani Biborek, qu'est-ce qu'il dit? Il annonce la célébration et dit Al-Hafl Karim, Ashab al-Fadilat al-Sheikh, Ali al-Hamli, Raïs Jam'iyat, Tahfiz al-Qur'an wa Karim, Bishurura. Donc là il dit quoi? Il fait la célébration d'une rencontre qui a eu lieu en faisant l'éloge des partisans d'une jamaïa dont le teneur c'est un chef qui s'appelle Ali al-Hamli, et c'est une jamaïa dans laquelle ils font mémoriser le Coran aux gens. D'accord? Et cet homme là, Ali al-Hamli, je ne connais pas, j'ai dit son nom dans la mazama, je ne le connais pas d'avant. Tu peux voir sa photo sur Twitter. D'accord? Il est à côté de Twitter, il faut qu'il ait sa photo. Et également, il est en compagnie de Kinasi al-Amr, qui lui-même est parmi les gens qui ont reçu, comme il s'appelle, Mohamed Al-Alifi. Je ne sais pas si tu connais, Mohamed Al-Alifi, c'est un hizbi de Saoudia qui est fait, sur qui Cheikh Fawzan a déjà réfuté, Saïd Khouani. Et il avait fait une poésie qu'il avait appelée Tout fini, ses rimes, se finissent en Ah. Il dit, je le rappelais, Surat al-Tuffah, la Surat de la pomme. Et ça, il y a une forme d'istizab al-Qur'an dans sa parole. Cet homme-là, Mohamed Al-Arifi, est une personne qui était réfutée par les savants saoudiens, dont Cheikh Fawzan. Donc tu vois les liens qu'il a à Hani Bourek avec des gens qui sont en lien avec cet homme-là. Non. Et également, il dit qu'il est apparu en photo avec un homme qui s'appelle Mohamed Al-Ghayhib, je ne le connais pas aussi, qui est le juge dans un tribunal, et que cet homme est connu parmi les hizbis. En fait, il apparaît en photo en compagnie de gens qui ne sont pas sur la sunna avec des hizbis. Donc Hani Bourek, lui-même, voyez, est une personne qui n'est pas nette dans son manhaj. Donc il dit, comme cela est connu, la fameuse parole de Salaf, « Man khufiyat alayna bida'atuhu, lam tufa alayna ulufato. » Celui dont sa bida'a est cachée, hein, et bien ses fréquentations vont trahir. On verra avec qui il marche. Et donc on saura à qui on a affaire. Donc il dit qu'après que ces gens-là, Bourek, Arafat et tout leur groupuscule voient que Abdurrahman n'est plus sur leur rail, d'accord, comme on dirait, alors qu'il était avec eux contre Shah Yahya, mais qu'aujourd'hui ils ne suivent plus le rythme comme on dit, également le Wasabi et les autres machins du Yémen, qui ne peuvent plus se servir d'eux, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les jettent, comme on l'a dit. Après cette servi d'eux, cette alliée avec eux pour un but, un objectif commun, aujourd'hui ils les jettent. Et les choses reviennent à leur réalité comme c'était auparavant, c'est-à-dire la division qu'il y avait entre eux. Maintenant qu'on a plus besoin de vous, on revient à ce qu'on était auparavant. D'accord? Donc ils se remettent à les diffamer et à les mépriser. Et maintenant, les machères des Libana se remémorent tout cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme tu peux voir en dessous là, ils ont fait une feuille, ils sont encore réunis ensemble, comme c'est leur habitude, Ishtima, hein, avec Ishtima, dans lequel ils ont sorti quoi? Une mise en garde contre Hanib et Bouraïk. La feuille, dans laquelle ils disent en bas, le shahid de la feuille, c'est quoi? وَبِحَمْدِ اللَّهِ لَا يَزَلُ قَائِمُونَ عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَةِ فِي الْيَمَنِ كُلَّمَا ظَهَرَتْ فِتْنَةٌ نَصَحُوا أَهْلَهَا وَبَذَّرُوا مَا فِي سَعْيِهِمْ مِنَ الْإِصْلَاحِ فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ نَصَحَ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا لِأَهْلِ السُّنَّةِ خُصُوصًا بِالِابْتِعَادِ عَنْهُ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ وَفِي أَيَّامِنَا هَذِهِ ظَهَرَ شَخْصٌ يُقَالُ لَهُ هَنِيبُ بُرَيْكَ يَدْعُو لِلْفِتَنِ وَلِتَفْرِيقِ أَهْلِ السُّنَّةِ فننساح بالابتعاد عنه وحجره وترك مجالسته ومحاضرته. Le shahid, c'est que là ils disent quoi? Après cette vantée d'être parmi les gens qui tiennent cette da'wa, et quand chaque fitna ils conseillent sur 10 ans, alors que dans chaque fitna les coniques sont tombés, ces gens-là, c'est vraiment, c'est adib comment ils s'y prennent, tu vois. Le manque de modestie qu'ils ont, ces gens-là, qui ne veulent pas reconnaître que dans chaque fitna ils sont tombés, ils disent à chaque fitna on était là pour conseiller ou quoi. Bref, aujourd'hui, ils disent que on conseille. Il y a un homme qui s'appelle Hanib Bouraïk, qui appelle la fitna, donc on met en garde contre lui et on déconseille d'assister à ses assises et à ses muhadarah et à ses cours, ainsi de suite. Ils ont tous signé en dessous Al-Imam, Wal-Adani, Wal-Somali, Wal-Wasabi, Wal-Salimi, Wal-Zamari, Wal-Bouraï. La lejna, comme on appelle. Les gens du Yémen. Genre ceux qui décident de tout, ceux qui voient tout. Bien que dans cette feuille, ils ont raison. Il faut mettre en garde contre lui. Mais quand? Quand est-ce qu'ils ont mis en garde contre lui? Maintenant que lui part sur eux. Maintenant, après qu'on ait ce qu'on a sur Hanib Bouraïk, il faut que tu saches une chose, que Hanib Bouraïk, il est Mouzakia de qui? Du porteur de l'étendard du Jihad interdit de cette époque. Avec tous ses faits sur Hanib Bouraïk, lui fait Teskia. شيخنا كريم كثر الكلام من بعض الناس في اليمن وفي غيره في الشيخ هاني بن بريك فهل تنصحون بالدراسة عليه والاستفادة منه وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه أما بعد فإنني أعرف حق المعرفة الأخ هاني بن بريك أنه من خيار السلفيين ومن خيار الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وله نشاط في غير اليمن في المملكة وفي تركيا وفي الشام وفي غيرها لا يدعو إلا إلى المنهج السلفي بارك الله فيكم وأنا أنصح بالدراسة عليه أقرأ في المقدمة il dit أيوة je vais te dire ce qu'il dit car je connais très bien le frère Hanib Bouraïk, qu'il est parmi les meilleurs des salafis. D'accord? Parmi les meilleurs prédicateurs à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et qu'il a beaucoup d'activités dans les autres que le Yémen, comme en Saoudie, ou en Turquie, ou au Cham, et autres, qui n'appellent que au ménage salafi. Donc on conseille d'étudier auprès de lui, et ainsi de suite. Naam. Donc voilà un peu la tafsir que docteur Matrali fait de cet homme, dont on parle qui collabore avec le Jam'iyya. Et les paroles de Charabia sur le Jam'iyya sont connues. Et les paroles de Charabia sur le fait de se filmer, photographier sont connues. Et malgré cela, il dit parmi les khiyana salafiyya. Regarde un petit peu la khiyana. Cette esquia là, elle accepte ou elle n'est pas acceptée? Elle n'est pas acceptée. Et son jaf, son charabia, elle accepte ou elle n'est pas acceptée? Elle n'est pas acceptée. Comme cela va venir dans le prochain cours, Inch'Allah, on parlera plus de lui de Urbain. Naam. Ensuite, regarde un petit peu. Aujourd'hui, il critique des gens bien et il défend des gens mauvais. Tu vois un petit peu? Et les gens sont là en train d'applaudir presque. Lui, il disait dans son audio, n'applaudissez pas pour Cheikh Yahya. mais les gens applaudissent pour lui. Tu vois? Lui, pour lui, il accepte pour lui, mais pas pour les autres. On regarde un petit peu l'insaf. Mais inchallah. Donc après, il finit. Il parle de la chute de Mohammed l'imam. Al-Mulaqab l'imam. Et des machères de Libana. Donc, comme tu sais déjà, l'île de Libana, déjà, c'est une grosse preuve de la vérité de ces gens-là. Qui ils sont? On va avoir trois à s'attarder. Le livre de Libana suffit à lui tout seul. Et après cette wafika qu'il a fait avec les Hawatha, et bien le Jabéli s'est mis à mettre en garde contre lui. Et également, comme tu le sais, Arafat il a fait un rod contre lui par rapport à cette feuille. Et ce rod a été mis en préface par Dr Al-Matkhali lui-même. Donc ça prouve qu'il confirme et qu'il atteste cela par le Jabéli et par Al-Bukhari. Donc tout se met en garde contre lui. D'accord? Et que même Al-Jabiri, dans un audio, la kaffa. Du moins, il a une parole qui inclut le takfir. Pourquoi il dit quoi? En parlant de Mohammed l'imam. Que le gouverneur doit l'appeler à faire tawbah, et que si un mec ne fait pas tawbah, il doit l'exécuter. Et là, cette exécution, elle est riddatan. Et pas haddan. C'est par apostasie. Et donc il dit également son cœur est aveugle, on parle de Mohammed l'imam. Il dit donc il dit que cette parole là ne vient que cette parole, du moins, c'est une parole perverse, fajira, et le fujour peut-être du kufr également, comme tu le sais. Zalima, injuste, et le zulm peut-être du kufr également. El kafira, là elle est bien dit, mécréante, cette parole. Elle ne peut ne provenir que d'une personne qui a la khabith, et qui a un irtiqat khabith, qui a une akida khabitha. Fasiqa, même si c'est une personne qui s'apparente aux gens de science. Ça y est. Ensuite, il parle de qui? Soukout Oussama Al-Utaybi ou Ahmed Nouamar Bezmoul. Ces deux-là qui sont parmi les plus grands, on va dire sbires, du docteur Al-Matkhali. Ahmed Bezmoul et Al-Utaybi. Il dit Wakot Kana Ahmed Bezmoul ou Oussama Al-Utaybi Al-Utaybi, Minachad de Mounassirin et Abdurrahman Al-Adani ou Esbihi, dit dans les hadiths de Damaj. Donc eux, c'était parmi les plus grands défenseurs de la fin de Al-Adani. Même Ahmed Bezmoul est venu jusqu'au Yémen, au Feyouch. Il a fait une visite. D'accord? Son frère Mohamed, Cheikh Mohamed Bezmoul. Jusqu'à présent, Cheikh Mohamed Bezmoul, on n'a pas entendu de mal de lui, dans cette fitna, qu'il ait parlé clairement. Lui, c'est le petit frère. Et même, Cheikh Wassir al-Abbas a critiqué Ahmed Bezmoul. Pourtant, Cheikh Wassir al-Abbas, c'est connu. Quelqu'un qui a du tamir, beaucoup. Tu vois? Même lui, il a critiqué, il dit qu'il se précipite trop. Trop dur. Même lui, il a dit ça de lui, tu vois, pour te dire. Donc, il dit. Donc là, maintenant, la réalité, elle apparaît, clairement, sur la langue de qui? De leur chier, Obed Jabéli. Maintenant, ils critiquent ces deux personnes-là. Alors que Bezmoul est connu. C'est un grand, grand, grand moutarassi de Obed Jabéli. Il fait des grandes éloges de lui. Et l'Otaïbi, pareil. Des grandes éloges de lui. Et aujourd'hui, Bakparoum. Aujourd'hui, il les a réfutés. Méchamment, mais en garde contre lui. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ahmed ibn Omar ibn Salim Bezmoul wa Oussama ibn Ataya kilahum Fattan. لا يوثق منهما إلا أن أسامة كذاب مغرور لا عهد له ولا وعد ويشترك الإثنان في مهيجة الفتن وأنهما من شيوخ الفجأة الذين مضت عدة سنين ولم يروا نعم هذا ما تلخص عندي من حال الرجلين فلا تغتروا بهما ولا تغتروا بمن زكاهما فلا يزكيهما إلا رجل لا يعرف حالهما أو أنه يعجبه حالهما. Il était questionné sur eux, Obed Jabéli, le hal de Ahmed Bezmoul et de Utaybi. Donc il dit, après avoir la basmala, Ahmed Mu'amar de Salim Bezmoul ou Oussama Ibn Utaya, qui est là au Mafattan. Les deux sont les Fattan. C'est pas le trouble. on ne doit pas leur faire confiance. Sauf que Oussama, c'est un grand menteur. Vous voyez, un trompeur. Qui n'a pas de parole, qui ne tient pas parole, qui ne tient pas ses promesses. Et que tous les deux sont, les deux sont similaires, sont semblables sur un point, ils ont un point commun, qui propagent la fitna. Et que tous les deux sont parmi les chouïs, c'est-à-dire quoi? C'est qu'ils sont apparus soudainement, en fait. Les gens qui n'ont pas de personne, ne le connaissent pas, et de ce coup, ils sont apparus, ils sont devenus célèbres. En Taïbi, Ahmed Bezmoul, c'est pas connu avant. Ils ont fait quelques fatawas, quelques tests qu'il y a de El Matre El Khalas, c'est devenu des machères, tout le monde revient vers eux, on les appelle tout le temps. Et lui-même, il le dit, chouïou, El Fadja'a. Des gens, on ne sait pas d'où vous sortez, vous êtes apparus soudainement comme ça. D'accord? Ceux qui ont beaucoup d'années, on ne le connaissait même pas. Et aujourd'hui, khalas, c'est devenu des grands machères, des ulama sur qui on revient tout le temps. Donc il dit qu'il ne faut pas être trompé par eux, et dupé par eux, ni par ceux qui leur ont fait le tesquia. Car elle a dit que personne ne le recommande, ces gens-là, à part une personne, soit une personne qui ne connaît pas leur hal, ou une personne qui aime leur situation. Vous voyez? Il a fini par ces paroles-là. Et il est connu, Cheikh Youssouf, il dit, il est connu que ceux qui... Qu'est-ce qu'il recommande aujourd'hui alors qu'il est kafat eskia? Qui c'est? Cheikh Arabia, c'est lui qui fait alors eskia. Et Obed, il sait très bien. Les jours à venir, elles sont parées de la réalité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Allah, on verra la suite. Et savoir une chose, que dans la finale de Fel El Harbi, attention, Obed, il a fatigué Cheikh Arabia. Il n'était pas avec lui au début. Tu verras par la suite, des choses vont apparaître. Bi'idhnillah ta'ala. Donc, il faut savoir une chose, que Cheikh Obed, je dis Cheikh par habitude, hein, il avait déjà mis en garde contre Al-Taibi auparavant. Il a dit que c'était Khafif al-Aql. Il a déjà parlé sur lui auparavant. C'est pas nouveau. Et également, une chose qui est citée ici par rapport à Al-Taibi, que pendant le Hissar, à Demej, il disait quoi? Il a parlé très très mal. Il disait que les gens de Demej ne seront pas secourus tant qu'ils ne vont pas expulser les Hajjouli de Demej. Si vous voulez que Allah vous secoure, des Houthis, vous devez expulser le Hajjouri, c'est semblable de Demej. Donc, vous dites, taillez. Les gens de Demej, comme on a pu le voir au début de la Marzama, ont été secourus. Que le fait de sortir des ennemis la tête haute, c'est un secours d'Allah. Une conquête. Donc, de un. De deux, El Hajjouri, comme tu l'appelles, est sorti de Demej. Maintenant, les gens de Demej, comment ils sont? C'est quoi la hal? Ils sont sous le joug des Houthis. Donc le secours que tu as prétendu n'est pas arrivé. On va même dire que Cheikh Yahya est carrément sorti du Yémen complètement. Les Houthis font quoi au Yémen actuellement? Ils se propagent, en apparence. Donc comment on comprend ses paroles à lui? Il est même plus au Yémen, Cheikh Yahya, là. Et malgré tout, le Yémen est en train de se faire pervertir par les Houthis. Donc ta parole était complètement absurde, ça veut dire. Il est même plus au Yémen. Et malgré ça, les Houthis continuent à se propager, à faire leur mal. C'est-à-dire que pour toi, là, maintenant, les Houthis sont venus en Saoudie à cause de l'Hajjouri. Dans sa théorie, c'est comme ça que ça amène. Pour dire comment ces paroles, elles sont absurdes, elles ne tiennent pas debout. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent, ces gens-là. Tellement ils ont la rage. Tu vois? Mourez de votre rage. Non. J'aimerais citer aussi une parole de Ahmed Bezboul, qui disait, dans son Sourate Al-Halabi, en page 380, il disait quoi? Wa nahnu ma ikhtina'ina. بهذا المنهج السلفي قد نعجز عن تطبيقه ولكن لا نحارب من يطبقه ولا نصفه بالغلو في التجريح على خلاف الحلبي ومن على منهاجه. Il dit, bien que nous soyons convaincus de ce manège salafi, parfois nous sommes impuissants, nous ne pouvons pas l'appliquer totalement. Et ce n'est pas pour autant que nous combattons ceux qui l'appliquent pleinement en les traitant d'exagérateurs, d'accord, et dire qu'ils ont du rouleau dans le jarh, comme le fait le Halabi. Donc regarde cette parole-là. Il reconnaît que des fois, il n'arrive pas à appliquer le minhaj salafi. Il a fait quoi que les gens de Demej? Il les a pas combattus? Il les a combattus. Pour dire cette parole-là, elle n'est pas sincère, ce qu'il dit. Tu vois? Il reconnaît que des fois, il est incapable de pouvoir appliquer le minhaj, mais d'autres y arrivent. Et ce n'est pas pour autant que ces gens-là, on va les combattre. Il a fait quoi avec les gens de Demej? Il les a combattus. Regarde un petit peu. T'en as à côté. Contradiction encore. Et également, qu'est-ce qu'il dit dans la page 402 de son livre, Zorad al-Halabi, il dit quoi? Al-Waqi anna man yunafi anhum al-Halabi waqa'u fi bid'ah. Wa lamma nusihu harabu al-ulama allazina nasahuhum. Wa stamarru fi muharabatihim takabburan wa inadan وكاذب وخيانات علينا منذ سنين. فركوا الشباب السلفي في العالم وأغروا صدورهم على العلماء، فهل يلام السلفيون إذا بدعوا هؤلاء الظالمين الباغين؟ وكي دي كوا لا رياليتي سي كو لي جون دون حلبي ديفون سو تومبي دون دي بيدا لوسكو ايتي كونسيي بار لي سافون ils sont venus les combattre. D'accord, c'est-à-dire les savants qui nous ont conseillés, ils sont venus les combattre et ont perduré ce combat par orgueil, par obstination, avec des mensonges, des trahisons contre nous depuis des années. Quand on dit nous, c'est nous et Dr Al-Matradi. Donc il dit, et ils ont divisé la jeunesse salafi dans le monde entier et ils ont gonflé ils ont rompu leur poitrine contre les savants. Donc est-ce qu'on peut reprocher les salafis de rendre innovateurs ces gens-là, ces injustes et ces tyrans? On dit non. On ne blâme pas. Tout comme toi, tu ne dois pas blâmer ceux qui ont rendu, hein, El Adani, Hizbi. Et là, ce que tu as dit là, tu ne l'appliques pas toi aussi. Pour dire encore, tu en as à cause. Tu comprends? Car maintenant, tu vois, tu défends des gens qui tombent dans la bida. Et aujourd'hui, vous mettez en garde contre lui. Donc maintenant, cette parole-là, elle est sur toi. Tu vois? Pour dire ces gens-là comment ils sont. Naam. Maintenant, la dernière page, guerre d'aujourd'hui. Il parle de qui? Maher al-Qahtani. C'est les doigts prédicateurs qui sont à Riyad, je crois. Et à la base, c'est à la Khair. Et qui aussi se sont insérés et mis dans cette fitna, injustement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un retournement soudain. Et après, tournat sur Shayah. Donc, Maher al-Qahtani, qu'allait, wa qad kalam li ta'ilina fi al-sumati bidamaj wa shaykhha, tazallufan dil jabiri ubayd, faha huwa zal yom yaskutu ala yadi. Donc il dit, Maher al-Qahtani lui-même était parmi ceux qui sont mis à diffamer des mages. Tout ça pourquoi? Par flatterie envers Ubayd Jabiri, pour le faire plaisir. Et bien voilà que maintenant Ubayd, il le gifle, lui aussi. Pour venir au Shahid du Kalem, le questionneur il dit, Cheikh Kadar Kadar Soual à la Cheikh Maher al-Qahtani, ma yon sahbi, ma yon sahbi, ma yon sahbi. هو ينقل كلامه يقول إن الشيخ عبيد تراجع عن تحذير المهر القحطاني. يكذب ننشر هذا كلام الشيخ. نعم ننشر. Donc il dit beaucoup de souhaits, de questions sont venues sur Cheikh al-Qahtani. J'avais dit quoi? On le déconseille. On le déconseille. On ne le conseille pas du tout. Vous voyez, on ne conseille pas du tout cet homme-là. Et le questionnaire il dit quoi? Donc il dit que pourtant Maher al-Qahtani, il propage que toi tu revenus sur tes paroles sur lui. Hein, que tu revenus sur tes paroles sur lui. Donc il dit quoi? Ubayd, kadzab, yakzib, kadzab, c'est un menteur. Donc il dit, est-ce qu'on peut propager cette parole-là au cher Ubayd? Il dit propage. Donc là il dit bien que c'est un menteur, qu'il le déconseille. Plutôt même, il ne le conseille pas du tout. Maintenant la cause de son genre, je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi Ubayd a parlé sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas la Qadiyya. Même Bezmoul et Utaybi, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement en détail. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il manque contre eux. Est-ce qu'il y a une raison valable? Allah alam. Est-ce que c'est encore juste son rouleau à lui, que lui il a du rouleau? Ben c'est malouf. Allah alam. En tout cas, il parle sur eux. Tous. Donc on finira par ça. Donc là, tu as vu que ces gens-là, tous ont des choses qu'on peut leur reprendre. Et après cette félicité qu'il y a les uns des autres, maintenant il faut tarder les uns des autres. Tu vois? Ils se bouffent les uns les autres. Allah Khurasan Dersin Al-Yom. Et le def prochain, ce sera plus sur Ubayd al-Jabiri. Et Dr Rabir Matrali. Naam. فنقول سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مع تحيتي دماج.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. فيا هول مصيبه فيا هول مصيبه من تراس هذا الحزب الجديد او غير هذا الحزب من الاحزاب. يا هول مصيبته. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. هذا دليل عام استدل به في العموم.